parler avec notre collaborateur Yves Racine. Salut Yves. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Yves, j'ai pas pris le match hier, je viens tout juste de finir de le prendre. Je peux te dire, moi ça me dérange pas, mais bien quand je suis le score, moi ce que j'aime savoir, c'est comment que ça s'est passé, puis analyser le match. Puis hier, c'est clair que le match, le Canadien a joué un excellent match. C'est difficile mieux jouer que ça, là. Honnêtement, là, ça va être très difficile. Par Ben, contre, je suis d'accord avec toi. Ils ont très bien joué. Je pense qu'ils ont su s'ajuster. Je pense qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des doutes parce que Tampa avait tellement bien joué la première partie. Mais je dois admettre que peut-être qu'on a trouvé un gardien meilleur que Carey Price. Mais là, moi, c'est vraiment lui qui a fait la différence hier dans le match. On sait que tu peux pas vraiment compter plus qu'un ou deux buts contre lui. Fait que quand tu comptes pas le premier but, là, dans le fond, Montréal vit ce qu'ils ont fait vivre aux trois autres équipes au début de la série. Parce qu'on disait toujours, on compte le premier but, puis Price, il va arrêter tout. C'est un peu ce qui se passe avec Veselinski. Fait que ça va être très dur à remonter. Moi, je pense qu'il y a bon espoir de venir à Montréal avec le coach qui revient. Je Ben, c'est pense que ça, ça c'était va ma aider. prochaine question. Ça va faire une différence. Hein. Tu sais, rien contre Luke Richardson. On sait que Richardson était là par intérimaire, puis on sait que c'est probablement Tony Duchene qui posait. Sauf que durant le match, il y a des ajustements à faire. Puis quand t'es pas là, ben là, quelque part, c'est là que tu vois la différence. Hein. Je pense que oui, puis honnêtement, si on regarde le match dans l'ensemble, Tampa Bay, ils n'ont pas rien fait de spécial. Même Non. leur défenseur, j'avais trouvé super bon au premier match. Hier, on ne les a quasiment pas vus. Aussitôt que Montréal mettait de la pression, ils n'ont pas vraiment bien joué. Donc, moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir, mais comme je te dis, il faut que le power play joue mieux pour Montréal. Parce que le problème, ils ont eu des chances en première période, mais ils n'ont pas closé. Faut que ton power play soit très bon pour battre des équipes de même. Parce qu'ils ont une très bonne équipe, puis ils ont peut-être le meilleur gardien de la Ligue présentement. Donc, quand on a des chances, il faut compter. Ils n'ont eu des chances, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça la différence. Tu peux pas te permettre de. Faut que tu pro... Tu viens de le dire, hein? Faut que tu profites de toutes les chances contre une équipe comme Tampa Bay. Puis tu sais, il faut la noter, comme tu disais tantôt, le deuxième but a fait très, très Ah, mal parce qu'il y avait vraiment le c'est arrivé. momentum. T'sais, on relaxait 2 secondes, ça donnait un but. Puis même le troisième but, honnêtement, ça ne doit pas arriver. Price doit être prêt. Le défenseur ne doit pas faire sa passe-là. Peut-être qu'il a dû supporter son partenaire. Les trois ont dormi en même temps. Tu ne peux pas faire ça en finale de Coupe Stanley. Ils ont super bien joué depuis le début, mais ils ont eu, on va dire, 2 cartes au cerveau, puis ça a donné 2 buts. Tu comprends? Fait que, mais c'est ça la finale. On dit toujours c'est la fine line avec 2 bonnes équipes. Présentement, Tampa joue comme une équipe gagnante. Ils savent comment faire. Puis, mais moi, j'ai encore espoir que moi, on peut revenir. Le match de demain est important. Puis même, c'est qui? C'est Stéphane Lebeau hier, parce que je parlais avec Stéphane hier, parce que Stéphane était là en 93. Et tu sais, il y a eu beaucoup de parallèles. Puis on faisait l'analyse. Puis Stéphane, il dit, même à 3-0, je parierais pas contre les Canadiens. Non, Tu je sais, suis c'est d'accord. avec le caractère qu'ils ont prouvé, avec l'année qu'ils ont, je parierais pas avec ça. Sauf que, tu sais, à quelque part, le match de demain va être très important. Là. Ah ouais, ça va être, c'est crucial. Ben, ça fait une couple de fois qu'on dit ça, mais je pense que demain, ça va être vraiment le match crucial. Moi, je pense qu'ils vont gagner demain. Puis après ça, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Fait que faut rester positif. Mais bon, peu importe ce qui va arriver, Yves, je peux te dire que côté personne qui veut venir le Canadien en finale de la Coupe cette année, là. Mais la seule chose que je trouverais ça plate, c'est de se faire balayer. Ça serait poche un peu. Le restant, car tant qu'on reste, là, moi, c'est mission accomplie, peu importe ce qui arrive, là. C'est vraiment le fun. Écoute, Tony Marinaro, puis je trouve pas l'idée mauvaise de TSN Radio, mentionner que Thomas Tatar devrait revenir. Et Alexander Romanov, Tatar, je suis pas contre ça du tout, du tout, du tout, du tout. M'a dit mon affaire, c'est un compteur de 25 buts. C'est un compteur qui peut la mettre dedans. Toi, tu vois. Oui, mais de la façon que le Canadien joue présentement, je pense que Dano a été le meilleur joueur avec Suzuki hier. Même Gallagher, je trouve qu'il a fait Armia un aussi a bon bien match. joué. Armia a très bien joué aussi, là. Et tu sais, Lornia a bien joué. Donc, tu sais, c'est leur façon de gagner présentement, cette force lors des rampes, lors d'attendre un contre un, être acharné. Oui, Tatar peut faire ça, mais des fois, je trouve qu'il y a trop de filonnage. Présentement, il n'y a pas de filonnage dans le game du Canadien. Moi, je pense pas que ça va aider, honnêtement, le Canadien. Même Stahl, j'ai été jouait un bon match hier et gagnait ses un contre un la quatrième ligne à ce temps-là avec le retour d'Armia. Non, moi, je pense qu'il faut y aller vraiment avec l'équipe qu'ils ont fait gagner depuis le début des séries. Il faut que ça continue. C'est sûr que Tatar, ben moi, je suis pour ça, mais je viens de penser en même temps. Tatar, je pense tout haut. Le fait que Tatar fait quand même plusieurs semaines qu'il n'a pas joué, de revenir dans une situation de match comme ça, où l'intensité est à son compte, il ferait-tu une différence? C'est ça. Non, moi je pense pas. Moi je pense pas, honnêtement. Ouais. Exactement. Méchant de bonne nouvelle, André Tourigny nommé entraîneur des Coyotes de Phoenix. Moi, je vais dire une affaire. Bonne nouvelle pour l'équipe. Ouais. Oui, moi je pense que c'est une belle prise, honnêtement. C'est le fun de voir une équipe loin de même aller chercher un Québécois. Il était reconnu, très aimé de tout le monde. Il participait à l'équipe canadienne. Donc, il y a un beau background. Puis moi, je pense que c'est toute une signature pour l'équipe d'Arizona. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages à faire là-bas aussi. Là. Fait que ça sera pas facile comme mandat, mais je pense qu'ils ont été chercher une bonne personne. Non, mais le fait que c'est un entraîneur québécois, c'est ça que j'aime ça. Puis Tourigny, écoute, il a fait une méchante belle job. Là. Puis tu sais, c'est toujours, on sait que la Ligue nationale, c'est toujours la confrérie des entraîneurs, c'est une gang de chums. Là. Puis c'est dur de pénétrer là-dessus. Tu sais que les sauteurs sont là, puis il y en a plein. Là. Fait que le fait qu'André Tourigny soit là, qu'il a percé ça, moi je dis chapeau, puis on peut rien que se remercier à lui. Ça, le seul hic, c'est que si Joël s'en va, avec le Rocket, ben quelque part c'était un gars que j'aurais vu là, sauf que là quelque part ben ça vient de régler le problème. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on voit qu'il y a un vent de changement quand même dans de nouveaux noms. On le voit à Buffalo, on l'a vu avec des nouveaux noms qui arrivent, puis je pense que ça va être bon pour le hockey, honnêtement, de laisser partir de la vieille garde, de faire des changements. Yves, on se reparle la semaine prochaine quoi qu'il arrive. Oui, collaborateur Yves Racine.